Bonjour à vous tous. Bienvenue à Dimanche Musette. Une émission faite pour et par des amoureux du musette. Dans cette émission, une heure de piano à bretelles. Le dimanche, mais aussi le mardi. Le dimanche de 9h à 11h, le mardi de 10h à 12h. Vous aimez le musette? Ne changez rien, vous êtes au bon endroit. Sur GFM, votre radio locale, sur les 91 et 102.5, la plus proche de chez vous. Allez, allez, laissez-vous aller dans vos rêves avec le bal de mes rêves, l'indicatif de cette émission. Ensemble, profitons de ces moments, de ces souvenirs. Pour nous joindre, un numéro de téléphone, le 04 50 56 01 48, du lundi 9h30 au vendredi 10h. Si absent, laissez un message. Qu'allez-vous bien? Ensemble, on est bien. Voilà, c'était l'indicatif de Dimanche Musette. Oui, du musette, vous savez, il y en a plusieurs façons d'aimer le musette. Le musette, c'est bien évidemment de l'accordéon, mais c'est aussi des chansons. Et puis, dans cette émission, eh bien, nous aurons cet avantage de retrouver un certain nombre de vieilles chansons qui datent des années 50-60. Il n'y aura pas beaucoup d'accordéons proprement dites, mais il y aura des chansons, les chansons que vous aimez et qui vous ont fait peut-être rêver, et puis peut-être vous ont-elles fait rencontrer tout simplement l'amour. Voilà, on est parti pendant une heure dans cette émission un peu particulière des années 50-60. C'est pour vous, mesdames, c'est pour vous, messieurs, vous qui, dans cette ambiance qui vous est aujourd'hui propre, dans les maisons, dans les EHPAD, les maisons de retraite du bassin belgardien, eh bien, cette émission est pour vous. Voilà, vous êtes sur le 91, sur le 102.5 de Sorgé FM, la radio la plus proche de chez vous. Et nous allons commencer avec l'année 1951, Annie Flore, Dessous de Violette. Dessous de Violette, pour des ronds, ça sent bon. Ça ne vous monte pas à la tête, c'est bien honnête. L'amour, c'est bête, comme ces petits bouquets ronds. C'est jamais qu'une amourette de sous violette. Y'en a qui se pètent des azalées, des lys, des orchidées, des fleurs toutes arabiscotées, qui ne sentent rien du tout. Moi,

élégantes s'apprêtent et s'en vont de leur maison. À petits pas, à petits cris, au milieu des jardins fleuris, où rêvent les oiseaux jolis du paradis. Tendrement enlacés, se grisant de baisers, les amants deux par deux cherchent les coins ombreux. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Rêver jusqu'au lever du jour. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Sur la rivière, entendez-vous ces chants doux et charmants. Bateaux de fleurs où les couples en dansant font des serments. Pays de rêve où l'étranger, cherchant l'oubli de son passé, dans un sourire a retrouvé la joie d'aimer. Et perdu, le danseur croit au songe menteur pour un soir de bonheur. Nuit d'amour, nuit d'ivresse, de tendresse, où l'on croit rêver jusqu'au lever du jour. Nuit de Chine, nuit câline, nuit d'amour. Daniel Darieux, en 1959, nous chantait Sophie. Souvenez-vous, c'était ceci. Lorsque Sophie dansait, tout le bal s'arrêtait, séduit et émerveillé pour mieux la regarder. Tourbillonner légère. Lorsque Sophie chantait, tout le bal se taisait, car sa voix tout d'un coup semblait dire un secret à chacun d'entre nous. Un peu plus qu'une sœur, beaucoup plus qu'une amie. Bien mieux que jolie, elle avait du mystère. Lorsque Sophie rêvait, le bal s'illuminait, et nous aurions suivi jusqu'au bout de la nuit Sophie et ses folies. Lorsque Sophie aima, tout le monde trembla et ne put s'empêcher de haïr l'étranger qui allait nous la prendre. Lorsque Sophie pleura, la colère gronda, on voulut la venger, courir la consoler et surtout la garder. Mais on savait très bien que Sophie partit, nous n'avons plus rien dit, car chacun comprenait que nos 20 ans venaient de partir à jamais.

Eliane Embrun avec Mademoiselle Dimanche. C'était tout juste en 1950. Je revois encore au printemps la guinguette où j'allais danser. Un petit bal musette aux amants, deux à deux gentiment entrelacés. Une fille est aux cheveux fous et son amoureux aux yeux doux. Mamselle Dimanche, ruban bleu, robe blanche, les deux mains sur les hanches. Je vous revois toujours, Mamselle Dimanche, les lilas dans les branches, tombaient en avalanche, fleurissant vos amours. Et sous votre corsage, battait le rythme fou d'un amour de votre âge qui faisait des jaloux. Mamselle Dimanche, ruban bleu, robe blanche, les deux mains sur les hanches, je vous revois toujours. Mais les chants d'oiseaux sous les fleurs ne sont plus qu'un beau souvenir. L'hiver a neigé sur les cœurs et sans vous le printemps va revenir. Sans vous qui pleurez aujourd'hui sur vos jolis rêves enfuis. Mamselle Dimanche, ruban bleu, robe blanche, aujourd'hui soyez franche, vous rêvez au beau jour. Mamselle Dimanche, les lilas dans les branches tombent en avalanche, pleurant sur vos amours. Mais reprenez courage, revenez parmi nous. Tant de cœurs en chômage battent déjà pour vous. Mamselle Dimanche, l'amour prend sa revanche et la dernière manche lui reviendra toujours. Francis Lemarque, en 1956, nous interprétait, lui, le petit cordonnier. Un petit cordonnier qui voulait aller danser avait fabriqué de petits souliers. Une belle est entrée qui voulait les acheter, mais le cordonnier lui a déclaré: ils seront à vous sans qu'ils vous coûtent un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Ils seront à vous sans qu'ils vous coûtent un sou, mais il vous faudra danser avec moi. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'as-t-on dans la tête, tête, crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers. Mais la belle accepta, elle emporta sous son bras les petits souliers pour aller danser. Cordonnier, tout réjoui, a mis ses plus beaux sapliers et ses pomponnés pour la retrouver. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui ritournait d'un petit air futé. Mais hélas, quand il voulut la faire danser, elle lui ritournait d'un petit air futé. Petit cordonnier, t'es bête, bête, qu'est-ce que t'attends dans la tête, tête, crois-tu que mon cœur s'achète, chète, avec une paire de souliers. Mais sa peine, la belle, avait-elle fait trois pas que ses petits souliers furent ensorcelés. Elle se mit à tourner comme une toupie déréglée et les musiciens n'y comprenaient rien. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin et tout épuisé se mit à pleurer. Elle tourna, tourna jusqu'au petit matin et tout épuisé se mit à pleurer. Petit cordonnier, arrête, arrête, tu m'as fait tourner la tête, tête. Tu ne dois pas être bête, bête, pour m'avoir ensorcelé. Petit cordonnier, arrête, arrête, que ta volonté soit faite, faite. Toute ma vie, le cœur en fête, fête, dans tes bras je veux danser. Gentil petit cordonnier. Vous n'aurez certainement pas oublié toujours Francis Lemarque avec Marjolaine, chanson française, bien évidemment. Un inconnu sur sa guitare, dans une rue pleine de brouillard, chantait, chantait une chanson. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleuri, Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. Tu m'avais dit, je t'attendrai, je t'avais dit, je reviendrai. J'étais parti encore enfant, suis revenu un homme maintenant. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, je n'ai pas menti, Marjolaine, j'étais soldat, mais aujourd'hui je reviens près de toi. J'étais parti pour 10 années, mes 10 années ont tout changé, rien n'est pareil, et dans ta rue, à part le ciel, je n'ai rien reconnu. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps s'enfuit, Marjolaine, je sais trop bien qu'amour perdu plus jamais ne revient. Un inconnu et sa guitare ont disparu dans le brouillard, et avec lui ses compagnons sont repartis en portant la chanson. Marjolaine, toi si jolie, Marjolaine, le printemps fleuri, Marjolaine, j'étais soldat. Georges Guettari, eh oui, le roi de l'opérette, avec Domani. C'était en 1956. On s'aimera ce soir ou bien domani. On s'aimera ce soir ou bien demain. Que tu m'appelles Jean ou bien Giovanni, c'est toi qui tiens domani dans tes mains. Qui sourit et Paris devient Napoli. Qui m'a dit les douceurs d'Italie. Que se disaient ton père et ta mère et tous tes paysans. Tous les amants d'hier et de domani. Et demain, deux anneaux pour unir nos mains. Nous ferons la joie des parisans. Et tu verras ton père et ta mère et tous tes paysans. Ouvrir le bal de notre amour domani. On s'aimera ce soir ou bien domani. On s'aimera ce soir ou bien demain. L'amour battra des mains ou bien des manies quand tu mettras tes manies dans mes mains. On s'aimera ce soir ou bien demain. On s'aimera ce soir ou bien demain. L'amour battra des mains ou bien des manies quand tu mettras tes manies dans mes mains. C'est ainsi qu'à Paris ou à Napoli, notre amour grandira chaque jour, entouré de ton père et ta mère et tutti nos bambini. Nous chanterons avec la vie domani, domani, domani. Georges Ulmer, eh oui, Georges Ulmer, comme une rose de mai, 1959. Comme une rose de mai, voilà celle qui est la cause de mon envie de chanter. Un air un peu morose, un souvenir du passé, c'est bien la moindre des choses que chacun doit en rêver. Vous avez subi son charme, vous avez été conquis. Mais ouvert serait des larmes dans le vide de vos nuits. Et puis, comme une rose, le grand amour s'est fané. Ça a été la cause de votre envie de pleurer. Mais ouvert serait des larmes dans le vide de vos nuits. Et puis, comme une rose, le grand amour s'est fané. Pour vous, ça a été la cause de votre envie de pleurer. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Germaine Sablon, en 1953, nous chantait « Tout bas, tout bas ». Qu'on murmure parfois au creux de l'oreille, bas, tout bas, même si tu l'oses, si, si, si, c'est pas la même chose, non, non, non, car on ne dit bien ces mots-là qu'au creux de l'oreille, tout bas, un petit mot doux, c'est comme un baiser qui part de la joue, timide et léger. Et qui bientôt s'aventure, plus qu'on ne l'aurait pensé, il cherche partout à vous cajoler, vous ensorceler, et fait tout à coup monter la température, sans crier gare ou danger. Tu ne pourrais dire si, si, si, le dire sans rire, non, non, non, ces petits mots gentils qu'on murmure parfois au creux de l'oreille, tout bas, même si tu l'oses, si, si, si, c'est pas la même chose, non, non, non, car on ne dit bien ces mots-là au creux de l'oreille, tout bas, tout bas. Le dire sans rire, non, non, non, ces petits mots gentils qu'on murmure parfois au creux de l'oreille, tout bas, même si tu l'oses, si, si, si, c'est pas la même chose, non, non, non, car on ne dit bien ces mots-là qu'au creux de l'oreille, tout bas, qu'au creux de l'oreille, tout bas, tout bas. Je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais quand j'entends cette musique, ça me rappelle de bons souvenirs. Pas vous ? Jacques Elian, rappelez-vous le grand orchestre de Jacques Elian. Avec cette très très très jolie interprétation, je te le. Je te le lave les bien, li que tu le serais les bien, ton lolo, ma femme. Je te le lave les bien, li que tu le serais les bien, ton lolo, mamie. En vain l'âge des romances, un amour sérieux commence, on trouve un gentil mari. Devant la mairie en bégayant vous dit je te le lave les bien dis-lui que tu lui serais les bientôt lolo ma femme. Je te le lave les bien dis-lui que tu lui serais les bientôt lolo mamie. Mais après le mariage fini les enfantillages. On s'énerve un peu parfois, et monsieur, quelquefois, vous fait la grosse voix. Je te l'avais bien dit que tu serais un jour ma femme. Aujourd'hui, je te dis que c'est moi qui commande ici. Comme il a bien changé le refrain, et voilà. Premier chagrin, le soir pour s'excuser, monsieur vient vous chanter la chanson du passé. Je te l'appelle, elle est bien dilili, que tu lui serais, elle est bientôt lolo, ma femme. Et bientôt mes enfants chanteront tous en chœur la chanson de mon cœur. France, 1958, Mademoiselle de Paris. Mademoiselle de Paris, elle donne tout le talent qu'elle a pour faire un bal à l'opéra et file à la porte des lilas. Mademoiselle de Paris, il fait beau et là-haut, elle va coudre un cœur à son manteau. On l'appelle Mademoiselle de Paris, et sa vie c'est un petit peu la nôtre. Son royaume c'est la rue de Rivoli, son destin c'est d'habiller les autres. On dit qu'elle est petite homme, et s'il est vrai qu'elle n'est pas grande, que de bouquets et de guirlandes a-t-elle sommé sur nos. Elle chante un air de son bonbourg, elle rêve à des serments d'amour, elle pleure, et plus souvent qu'à son tour, Mademoiselle de Paris. Elle donne tout le talent qu'elle a pour faire un bal à l'opéra et file à la porte des lilas. Mademoiselle de Paris, elle prodonne, elle sourit. Et voilà Mademoiselle de Paris, elle prodonne, elle sourit. Et voilà Mademoiselle de Paris. Lina Margie, en 1953, nous chantait « La nuit ». Il y a des gens dont la vie s'arrête quand la nuit se met au volet. Mais pourtant, dans la nuit, quand tout semble endormi, il y a des gens, il y a des voix, il y a des bruits. La nuit, il y a des somnambules, des gens qui circulent sur le bord des toits. La nuit, il y a des gens qui dorment d'un sommeil énorme, sans rêve, sans joie. La nuit, sur un dé qui roule, des fortunes s'écroulent, tandis que là-bas, petit Louis, La souple crapule guette un octambule qui chante à mi-voix. Il y a le monsieur qui pense à ses dettes. Il y a la dame qui trompe son mari. Le boulanger qui pétrit, l'assassin qui s'enfuit, la grosse dame qui fait pleurer son lit. La nuit, il y a des gens qui se battent, il y a des portes qui craquent, des pas étouffés. La nuit, la scène assurée ne fait grincer les chaînes des chalands à quai. La nuit, dans un rayon de lune, la fille sur le bitume se refait une beauté. La nuit, il y a des gosses qui pleurent, il y a des gens qui meurent dans l'obscurité. Il y a le chien qui tourne dans sa niche, des autos qui vont n'importe où. Il y a des pauvres, il y a des riches, des boiteux qui s'en fichent, un clochard qui se blottit dans son trou. La nuit, les taxis s'inquiètent, trouvent de drôles de têtes à tous leurs clients. La nuit, il y a des gens bizarres qui dorment dans les gares, couchent sur les bancs. La nuit, cette lune ronde qui lui pourre tout le monde s'en va vague nos dents. Et puis, il n'y a plus rien qui bouge, seul le petit feu rouge du vélo de l'agent. La nuit, en haut de la rue Monge, il y a la lune qui plonge dans le matin gris. C'est si doux, Marie-Josée, c'est si doux, 1954. Avec toi joue à joue, c'est si doux, c'est si doux. En dehors de ce qui n'est pas nous, j'oublie tout, j'oublie tout. Quand je sens ta main serrer ma main, c'est si doux, c'est si doux. Qu'avec toi je partirai demain, n'importe où, n'importe où. Mon bonheur brille au fond de tes yeux, aussi pur qu'une étoile du ciel. Mais j'ai peur que mon rêve audacieux m'apparaisse irréel au premier réveil. Et pourtant quand tu me dis tout bas des mots fous, dans mon cœur tout un printemps est là. C'est si doux, c'est si doux. Lorsque tu me prends un long baiser, c'est si doux, c'est si doux. Que dans un éclair le monde entier devient flou, devient flou. Quand tu m'appelles à mi-voix chérie, c'est si doux, c'est si doux. Qu'à l'instant je donnerai ma vie, je l'avoue, je l'avoue. Et je ferme les yeux, mon amour, pour mieux voir en moi-même ma joie. Et je fais le serment que toujours je ferai dans tes bras ton unique loi. Quand j'entends battre pour moi ton cœur à grands coups, à grands coups, je regarde l'avenir sans peur. C'est si doux, c'est si doux. et je ferme les yeux, mon amour, pour mieux voir en moi-même ma joie. Et je fais le serment que toujours je ferai dans tes bras ton unique loi. Quand j'entends battre pour moi ton cœur à grands coups, à grands coups, je regarde l'avenir sans peur. C'est si doux, c'est si doux, c'est si doux. C'est si doux. Ah, je vous l'avais dit, hein, ce sont de vieilles chansons que vous aimez, que vous avez aimées et que vous aimez toujours. Maurice Chevalier, ça ne vaut pas l'amour. C'est en 1950. D'épouser mamselle Mimi, la pâtissière, un beau petit chou, un beau petit loup qui a tout pour plaire. Eh bien, figurez-vous, puis que je suis son époux, je sais combien, oh oui, combien l'amour est doux. Oh, si maintenant il n'est plus rien qui m'asticote, ni le ciel bleu, les petits oiseaux, ni les banquenotes. Quand on me parle du printemps, des plaisirs excitants, en riant gaiement, je réponds simplement: tout ça ne vaut pas l'amour, la belle amour, la vraie amour, l'amour qui nous enchante quand le cœur nous chante la nuit et le jour. Tout ça ne vaut pas l'amour, les petits bécots qu'on met autour. Voilà pourquoi je chante toujours l'amour, l'amour, l'amour. J'ai vu pourtant des choses bien extraordinaires, des choses qui vous font monter le sang dans les artères. J'ai vu le looping des loupes et la belle au terreau. J'ai vu la tiare, j'ai vu les courses de taureaux. Ce que je vous dis là, c'est pour montrer que je suis pas novice. Ah, je connais les jeux, les petites histoires à votre service. Eh ben, toutes les beautés, toutes les célébrités, les jeux, les sports, le progrès, les trésors, tout ça ne vaut pas l'amour, la belle amour, la vraie amour, l'amour qui nous enchante quand le cœur nous chante la nuit et le jour. Tout ça ne vaut pas l'amour, les petits bécots qu'on met autour. Voilà pourquoi je chante toujours l'amour, l'amour, l'amour. Tout ça ne vaut pas l'amour, la vraie amour, la vraie amour, l'amour qui nous enchante quand le cœur nous chante la nuit et le jour. Tout ça ne vaut pas l'amour, les petits pécots qu'on met autour. Voilà pourquoi je chante toujours l'amour, l'amour, l'amour. Voilà pourquoi je chante toujours l'amour, l'amour, l'amour. Les yeux bleus, toujours avec René Lebas. C'était en 1955 et c'est avec René Lebas que nous terminons cette première partie de l'émission, c'est-à-dire tout simplement Dimanche Musette. Tous les amants se ressemblent, ils ont les yeux bleus, ils ont les yeux bleus. Tant qu'on peut dormir ensemble, y a pas plus heureux, y a pas plus heureux. Je ne sais pas si je t'aime vraiment, mais je n'ai que toi. Et si tu m'as choisi, c'est que t'as pas trouvé mieux que moi. mais rien que de vivre ensemble. On a les yeux bleus, on a les yeux bleus. On a le cœur qui nous tremble et c'est vrai qu'on est mieux à deux. Sans sou pour savoir ce que t'as dans le crâne, ton garçon s'enflamme comme une réclame. Et quand t'es Mireille joue à la Saint-Jean, le soleil peut se coucher tranquillement. Tous les amants se ressemblent, ils ont les yeux bleus, ils ont les yeux bleus. Tant qu'on peut dormir ensemble, y a pas plus heureux, y a pas plus heureux. Je ne sais pas si je t'aime vraiment, mais je n'aime que toi. Et si tu m'as choisi, c'est que t'as pas trouvé mieux que moi. C'est pour ça que j'aime pas les chevaux de bois. Quand t'es là-haut, moi je suis en bas. Faut faire des efforts pour se regarder. Et je te jure qu'on peut le faire sans payer. Les amants se ressemblent, ils ont les yeux bleus, ils ont les yeux bleus. Tant qu'on peut dormir ensemble, y a pas plus heureux, y a pas plus heureux. Le principal, c'est toujours de tirer le bon numéro. C'est comme ça que du jour au lendemain, tu es un héros. T'auras peut-être pas la médaille, mais t'as les yeux bleus, mais t'as les yeux bleus. T'as tiré la courte paille et l'amour a gagné au jeu. Car il a fait un roi dingue. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Et oui, et on reste encore une bonne heure ensemble avec ces chansons qui nous font rêver, qui nous rappellent quelque part un petit peu notre jeunesse. On reste justement dans ces années-là. On va commencer tout de suite avec Pense à moi, Éric Chardaine. Quand tu sors avec lui, pense à moi. Quand il t'embrasse tendrement, pense à moi. Dans tous ces rêves que tu n'avoues pas, il pense à moi. Personne ne me dira plus je t'aime. Ça me fait du mal, mais pense à moi quand même. Y a rien de plus. Les sentiments secrets dans ces moments-là. Pense à moi, y a rien de plus beau qu'un désespoir secret dans ces moments-là. Ça me fait du mal, mais pense à moi quand même. Y a rien de plus beau que les sentiments secrets dans ces moments-là. Je pense à toi. Souvenez-vous de Cheik. Cheik, eh oui, et il nous interprète « Elle s'en va ». Gilbert Bécaud, pas besoin de le présenter. La vente aux enchères, c'est une longue et belle chanson. Approchez, monsieur dame. Approchez, s'il vous plaît. Approchez, monsieur dame, s'il vous plaît. Serrez, serrez le rond, monsieur dame, s'il vous plaît. Approchez, approchez, monsieur dame, s'il vous plaît. Approchez, ça ne mord pas, ça, madame, s'il vous plaît. Approchez, approchez, approchez. À la vente aux enchères, préparez la monnaie. Moi, je suis là pour vendre et vous, pour acheter. Des lots exceptionnels, des prix exceptionnels. Tu rêves pour pas cher, à ma vente aux enchères. Ah ouais! Moi qui ai des souvenirs, à ne plus savoir qu'en faire. Vous pouvez vous les acheter comme ça, ma vente aux enchères. Approchez, monsieur dame, si loué. Bonne, bonne, bonne, bonne, j'approche l'an. Approchez, serre le rang, ça va commencer. Ouais. Bonne, bonne, j'approche l'an, serre le rang, ça va commencer, monsieur pointu, s'il vous plaît. Premier lot. Premier lot, monsieur dame, numéro 1. La grande. La grande. Aventure. Un coup de pied au cul, mon père n'avait pas tort. Je vole aux étalages et je couche dehors. Je saute dans un camion qui file vers le nord. Ce coup de pied au cul, monsieur, m'a rapporté de l'or, s'il vous plaît. Un coup de pied au cul. Parfaitement, comme il dit. Mes abris. Mes abris. 5 sous. Allons, messieurs, 5 sous. 5 sous, j'ai pas 10 sous, 5 sous, c'est pas beaucoup, 5 sous, alors non, 5 sous. 5 sous, bah, qui est mieux, 6 sous, le monsieur, monsieur généreux, merci. 6 sous, alors non, 6 sous, c'est peu, un coup de pied au cul, 7 sous, la morbleu, 1 fois, 2 fois, 8 sous, le soldat, bravo, caporal, ce coup de pied au cul te fera, général, un dilépas, un coup de pied au cul en or. 9 sous, entendez, 9 sous, le barbu, 10 sous, le soldat, 1, 2, 3, vendu, c'est au soldat, monsieur pointu, le coup de pied au cul, moi qui ai les souvenirs, à le plus marquant, vous pouvez-vous les acheter comme ça, avant vos enchères? Si loué, bam, bam, bam, bam, je m'approche long. Approchez, c'est un rang, ça va continuer. Bam, bam, je m'approche long, c'est un rang, ça va continuer. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Deuxième long. Deuxième lot, monsieur l'âme, numéro 2. Un gras chagrin. Allez donc. D'amour. C'est triste. Écoute, on est rigolé, bah écoute. Un grand chagrin d'amour, un grand, un vrai de vrai. J'ai vendu la boutique et j'ai pris des billets. Elle est partie sans moi. Là, alors j'ai failli crever. Tiens, tu peux constater. C'est pas cicatrisé. La cicatrice. La cicatrice, monsieur là. Mise à prix. Mise à prix, monsieur là. 10 sous. 10 sous. Ouais, 10 sous. 10 sous. 10 sous, 10 sous, 10 sous, pas beaucoup, 10 sous, alors non, 10 sous. 10 sous, avec le 11 sous, le monsieur, monsieur, t'as pour autre, mieux. 11 sous, alors non, 11 sous, c'est court, un beau chien d'amour, c'est comme du velours, 1 fois, 2 fois, 13 sous, monsieur l'abbé, voyons, monsieur l'abbé, un beau chien d'amour, monsieur l'abbé, sur quelle belle main, monsieur l'abbé, il convient. Putain, 15 sous, la mandoire, 15 sous, la mandoire, 20 sous, le vieillard, 1, 2, 3, vendu, au vieillard, monsieur l'abbé, monsieur pointu, ouais. Moi qui ai des souvenirs, à le plus savoir qu'on fait. Pouvez-vous les acheter comme ça, ma vente aux enchères? Je m'aime, siloué. Bam, bam, bam, bam, j'approche là. Approchez, serrez l'an, ça va continuer. Oh. Bam, bam, j'approche l'an, serrez l'an, ça va continuer. Monsieur Pointu, s'il vous plaît. Troisième l'an. Troisième l'an, monsieur là. La mort du héros. C'est bon ça. C'est bon. Une superbe mort que j'avais gardée pour moi, sans curé, sans docteur. Une mort de gala. Une mort en pleine vie, tout debout et bien droit. Un bon coup de fusil. Bam! C'est pas beau ça, monsieur. La mort du héros. La mort d'un héros. Avec fusil. Procédez, s'il vous plaît. Mise à prix. Attention. Mise à prix. 1 franc. 1 franc. Allons, messieurs. 1 franc. 1 franc. 1 franc. 1 franc. 1 franc. Pas beaucoup. 1 franc. Alors, 1 franc. 1 franc, la manche jolie. 2 francs, monsieur. 2 francs, la manche jolie. C'est bien. 2 francs, la manche jolie. Je le dis. Beaucoup de fusils. Je le dis. 1 fois. 2 fois. Une mort comme ça, si vous n'en voulez pas, ben, je la garderai pour moi. Une mort en pleine vie. Tu devrais tout dire. Un bon coup de fusil. Pow. Salut. Thank you. On parlait et on parle toujours d'ailleurs un petit peu d'amour avec ces vieilles chansons. Enfin vieilles, pas si vieilles que ça en tout cas. Angélique, Christian Vidal. Angélique, jour après jour et pour toujours, Angélique. Mon bonheur, c'est toi. Nuit après nuit et pour la vie, Angélique. Quand tu n'es pas là, le temps s'étire et je m'ennuie, Angélique. Mais entre tes bras, rien n'est pareil, il fait soleil, Angélique. Pour tes yeux, quand tu me souris, pour les mots que tu dis tout bas, pour ta main qui se tend vers moi. Jour après jour et pour toujours, Angélique. Mon bonheur, c'est toi. Nuit après nuit et pour la vie, Angélique. Quand tu n'es pas là, le temps s'étire et je m'ennuie, Angélique. Entre tes bras, rien n'est pareil, il fait soleil, Angélique. Encore amoureux, ah, encore amoureux, souvenez-vous, ah ben je vous laisse chercher. Je crois que t'aimais les cruces.

on s'aimera encore, lorsque l'amour sera là. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Quand tu voudras, et l'on s'aimera encore lorsque l'amour sera mort. Toute la vie sera pareille à ce matin, aux couleurs de l'été indien. Avec Tu te reconnaîtras. Dans les rêves de l'enfance, dans les lèvres que le maître a punies, dans la gare où commence la première aventure de la vie. Dans celui qui doute, dans celui qui croit, tu verras, tu te jamais couronné dans ce monde égoïste qui renie ce qu'il a adoré. Dans ceux qui ont peur, dans ceux qui ont besoin d'éducation sexuelle. Ça vous rappelle quelqu'un? Vous vous rappelez comment elle s'appelait? Eh oui, c'était une jolie petite fille. Oh, petite fille, c'est beaucoup dire. Elle s'appelle Julie Bataille. Aujourd'hui, c'est la mode. On se croit obligé d'apprendre aux gens comment s'aimer. On veut leur faire croire que l'amour, c'est compliqué. Dans toutes les vitrines, on voit des magazines remplis de photos insensées qui donnent des tas d'explications pour mieux s'aimer entre filles et garçons.

On retrouve encore Gilbert Bécaud avec Charlie, tu n'iras pas au paradis. Derrière un pilier, je la regarde agenouillée. Au jour de Pâques de Noël, à la messe, je ne vois qu'elle. Elle est belle comme la statue de la mère à l'enfant Jésus, ou presque. Comment voulez-vous, je vous prie, que dans ces conditions, je prie. Paris, je m'en fous, mon paradis c'est elle et c'est tout. Et même si je scandalise quand je vais à l'église, je pense à monsieur le malheur, au calme, je pense à. J'arrive une heure avant la messe. Pour la joie de l'avoir passé. Et pendant qu'elle est à confesse, je suis jaloux de son curé. Ouais. Je me lève et je m'agenouille, je me sens comme crucifié. Alors que les regards ont traversé. Et même si je scandalise quand je suis à l'église, je pense à au calme, au corps, au ciel, au malheur, je pense à. Tout à l'heure, quand elle va sortir, je vais la rater encore une fois. Alors c'est Valorant sur le sein du capitana, c'est ça. Rigolez les gars, rigolez, il se passera bien une fois. Mais un beau jour, vous verrez, surtout les filles, ça vaudra. Chapeau et un masque, et même si ça vous défrise, à vos joues à l'église, je serai le, je serai le mari, je serai le, je serai le mari, je serai le mari du mari, je serai le mari, le mari, le mari, hop hop hop hop hop hop, le mari. Thank you. Alors lui, il a partagé sa vie pendant quelques années avec Sheila. Souvenez-vous, Ringo. C'est des jours extra avec toi. Gentil, fou, stupide et merveilleux garçon. Salut, va. Ou plutôt, adieu. Alors c'est fini, on se quitte. Tu ne plaisantes pas. Là-bas, tu semblais si heureuse. Je ne comprends pas. Une chanson pour toutes les mamans du monde avec Noam. Tu m'appelles ton petit homme, c'est vrai, j'ai 13 ans déjà. À 13 ans, est un homme, papa serait fier de moi. Dans tes yeux, je vois briller le souvenir d'un bonheur. Il faut vite l'oublier, je ne veux pas que tu pleures. Parle de lui. je t'aime aussi fort que papa quand il t'aimait. Pas de slow pour moi. Pas de slow pour moi. C'est Jean-François Maurice. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5. Qui passait cette chanson était amoureux de toi. C'était l'année dernière et je n'oublierai pas. On est là tous les deux et je crois que tu n'as jamais été aussi belle. Mais tu vois, je n'ai pas envie de danser. Tu comprends bien pourquoi. Non, vraiment, pas de slow pour moi. Femme qui se donne en l'espace d'un regard, ça n'arrive qu'en été. Et je n'ai pas honte de dire que j'en ai pleuré. Quand je t'ai vu cet après-midi dans la rue, j'ai refait le chemin à l'envers. Je m'étais trompé sur toi. Toutes les blondes, c'est l'enfer. Non, vraiment, pas de slow pour moi. C'était l'année dernière, et rien n'est différent. Il y a un rayon laser, mais il n'y a pas de sentiment. Et tu parles avec moi, comme s'il ne s'était jamais rien passé. L'été n'en finit pas. Non, vraiment, pas de slow pour moi. Thank you.

Vegas qui s'appelle, vous le connaissez, Greg Slap. Oui, Gabriel, tu traites dans mon cœur cette illusion de douceur. Et tu chantes, c'est la voix d'une enfant avec laquelle tu glaces mon sang. Je veux t'expliquer, tu profanes le jour et la nuit. Moi je veux t'approcher, mais tu tournes le dos, tu t'enfuis. Voilà, c'est, oui, c'est la fin, hein, c'est la fin de cette deuxième partie de l'émission avec ces chansons des années 70-80, eh bien, qui me permettent tout simplement de vous donner rendez-vous à mardi prochain. Cette émission vous sera rediffusée. Je vous aime et je vous embrasse. À très bientôt. Et oui, on termine avec, avec ceci, tout simplement. Du lundi de 9h30 au samedi 10h, pour nous joindre, un numéro de téléphone, le 04 50 56 01 48. Si absent, laissez un message. Vous écoutez Sorgia FM, la radio la plus proche de chez vous, sur 91 MHz. Également sur 102.5.